savoir faire la mapé, manger une fois. Bon, mon son non, non, moi faire, c'est moi jamais, j'ai pété, j'ai chat. Qui sourit, le dit, savoir faire la mapé, manger une fois. Bon, mon son non, non, moi faire, c'est moi jamais, j'ai pété, j'ai chat. Que moi pas de besoin manger ou si m'en donne c'est plaisant qui bigot comprendre c'est tout bon qui sourit assez manger grain quoi bouillon pas bon dans belle ma bouille entre dans you qui bouillon pas bien dans pour guébé à la côte de souit à la côte de souit toute la journée. À la côte de souris, à la côte de souris, à la côte de souris, toute la journée. C'est du tuit, tuit, souris jade, souris jade, souris jade, souris jade, souris jade, souris jade. Sous la manger toute maya là maintenant là nous pas gagner colon colon là sous la manger maya là dans figure on peut pas danser ça dit là souris jade souris jade souris jade souris jade.